Big Brother in Games. Big Brother in Games. Bonjour et bienvenue dans Big Brother in Games. Et là, cette semaine, comme vous avez prévenu la semaine dernière, c'est une émission un petit peu particulière. C'est une émission où on va plus se laisser aller. Ça va vraiment être une discussion entre nous et entre vous aussi, hein, parce que j'imagine qu'on va représenter un peu l'opinion de chacun, hein, parce qu'on n'est pas tout le temps d'accord sur tout, il faut le savoir. Et justement, cette émission, comme d'habitude, je ne serai pas seul, je serai accompagné de ma petite compagnie, communauté de l'anneau à moi. Tu vois, c'est, on a notre petit elfe qui serait Clément. Bonsoir, l'elfe ça va, c'est pas le pire des rôles. Mais ouais, mais toi t'es pas Legolas. Toi, tu serais plus, comment dire, je partirais plus sur un mix entre Faucon, non, c'est ça, non? Elrond. Elrond, toi. Alors, t'es-tu... sérieux. je trouve que c'est pas le pire des rôles. Qui sera Gimli? Ça, je le garde pour la fin. Non, mais bien sûr, si on prend, c'est cette personne qui, à chaque fois, va à la rescousse, comme je l'avais dit la semaine dernière, de la veuve et l'orphelin, c'est bien sûr Aragorn qu'il devrait représenter, mais moi, je préfère le voir un peu en Boromir. Et c'est Adri qui prendra ce rôle-là. Mais c'est parce que je vais mourir? Non. Je veux pas mourir? Mais non, regarde... Je veux pas mourir. Tout va bien se passer, Adri. C'est juste une présentation, ne t'en fais pas. Non mais ça, c'est plutôt, je trouve ça plutôt cool que ce soit Aragorn ou Boromir, parce que d'habitude j'entendais surtout des Gollum, donc du coup, bon, là ça va. Ça te change un peu, hein. Oui, ça, c'est un peu mieux. Et pour finir, bien sûr, vous savez que c'est toujours par le pire que je finis, et puis parce que j'aime bien le troller aussi. Et en parlant de troll, c'est un peu l'effet qu'il donne sur le monde de l'e-sport, parce qu'à chaque fois, il est tout le temps en train de grappiller les petites informations à droite à gauche. C'est notre troll à nous, et c'est Benjamin, bien entendu. Bonsoir. Est-ce qu'un troll est censé pouvoir parler? C'est ça, bah, que je sais pas, on va dire que t'as un troll qui sent très fort, mais qui arrive à parler. Est-ce qu'il y a un troll dans la communauté de l'anneau? Je crois pas non plus. J'ai jamais dit que c'était... C'est celui qu'on a dans la caverne. Mais oui, exactement. Ah, donc en fait, c'est moi qui meurs. Merci, encore une fois. Bah, tu vois, c'était... Enfin, oui, c'est toi qui meurs. Comme à LOL. Comme à LOL. Oh, et oui, et comme je vous l'ai dit au tout début, avant de présenter cette bande de freliquets, eh bien, on va parler de sujets libres un peu, et on va commencer par un sujet qui a été proposé par Clément, et c'est la loi sur l'e-sport qui va bientôt être promulguée. Effectivement, le gouvernement français s'intéresse à l'e-sport. Alors, on pourrait se dire que ça fait peur, mais en fait, c'est une bonne nouvelle. Parce que, je sais pas si vous le savez, mais jusqu'à maintenant, en fait, l'e-sport, c'était quelque chose qui était illégal en France. Enfin, les compétitions, en tout cas. Puisque ça pouvait être assimilé à un jeu d'argent. Et... Le but de la loi sur l'e-sport, c'est justement de réglementer, donc de l'autoriser, et plus que ça soit légal, et en plus de permettre aux joueurs professionnels d'avoir un vrai statut, et de permettre aux professionnels et aux entreprises d'investir dans l'e-sport et de développer l'e-sport en France. Donc, c'est une bonne nouvelle, puisqu'on pourrait voir plus d'e-sport en France, mieux développé, plus professionnel, avec des vrais joueurs pros qui ont des vrais statuts. Moi je pense que, c'est pour une fois, on va pas parler de politique, c'est pas le but, mais c'est bien que le gouvernement s'y intéresse, et c'est bien qu'il s'y intéresse tôt par rapport à l'âge de l'e-sport, parce que même si on peut dire que l'e-sport existe depuis longtemps, ça fait que quelques années que ça prend de l'ampleur, mais il s'y intéresse tôt au final, puisque ça fait pas si longtemps que ça. Si on compare avec les jeux vidéo où le gouvernement ne s'est pas intéressé pendant très longtemps, bah au final, les entreprises françaises qui sont importantes en jeux vidéo, y en a pas beaucoup. Et il y a que Ubisoft, et j'ai pas envie de placer Ubisoft comme une référence mondiale du jeu vidéo, personnellement. Hein. Non, loin de là. On peut tous comprendre, là, je pense. On a tous subi ça. Donc, si on pouvait y avoir des LAN, type la Gamer Assembly, la Lyon eSport, qui soient des références mondiales de l'eSport, c'est jamais, hein, ça pourrait arriver si elle se développait vraiment de façon importante. Je trouve que ça serait... Le truc en même temps là, c'est que, bon, non seulement c'est une loi, comment dire, ça veut non seulement dire que ça commence à prendre une ampleur impressionnante. Parce que, tu regardes, avant ça les avait pas vraiment dérangés, mais c'est vrai que la France, on se place sur la scène de l'e-sport, on n'est pas dégueu. Pas forcément dans les teams, même si on a quand même des très bons joueurs, hein, on en a déjà parlé, bien sûr, Yellow Star et d'autres. Mais là où je trouve que vraiment c'est notre force, c'est notre public, quoi. Parce qu'à chaque fois qu'il s'est passé une compétition en France, Et les joueurs, ils étaient là, genre, mais les Français, c'est des malades mentaux, quoi. C'est nous le meilleur public. Donc j'avoue que là, le gouvernement peut se dire, ça nous fait de la bonne pub. On est là, enfin, développer un nouveau marché, ce serait génial de faire passer la France, peut-être. Sait-on jamais, peut-être que d'autres entreprises viendraient à être... À être intéressé, enfin, je parle pas des entreprises étrangères, tu vois, mais qu'on donne plus la chance, parce que c'est vrai que là, si on parle là-dessus, ça pourrait permettre aux boîtes indépendantes, aux personnes qui sortent des jeux indépendants en France, et il y en a un paquet quand même, hein, faut dire, bah de se faire connaître, tout simplement, quoi. Alors, je sais pas, parce que c'est pas non plus, c'est vraiment lié à l'e-sport, vraiment, et au côté compétitif, je sais pas si ça aiderait, si ça encouragerait beaucoup. Les jeux indépendants, ça encouragerait particulièrement les compétitions, ça donnera peut-être même de la visibilité de l'e-sport à la télévision, parce qu'aujourd'hui faut savoir aussi que en soi passer de l'e-sport à la télévision c'est aussi quasiment illégal à cause du système PEGI. Ça veut dire qu'un jeu PEGI 16 ou PEGI 18 ne peut pas passer avant 22h à la télé. Mmh. Donc, c'est déjà assez restrictif, et en plus il y a les problèmes de droit. Et le CSA considère que passer du FIFA ou du LOL à la télé, c'est faire de la pub pour EA Games ou pour Riot Games. Et c'est pas passer de l'e-sport, c'est vraiment faire de la pub. Donc, ce côté pub interdit quasiment totalement de passer de l'e-sport à la télé. D'accord. Et donc, ça pourrait permettre ce développement à la télé qui est qu'aujourd'hui impossible. Ouais, télé. Enfin, je dis pas que c'est. Je dis pas que j'ai envie absolument de voir de l'e-sport à la télé, mais de toute façon, on n'aura jamais une émission qui pourrait parler d'e-sport. On pourrait avoir un téléfoot type e-sport un jour à la télé. Aujourd'hui, c'est illégal. Ouais. D'accord. Et comment maintenant on a le non choix. Mais alors, attends, j'ai envie de, là je pense juste à un truc, là quand on regarde Game One qui est revenu maintenant avec le jeu, enfin ils font des journaux basés sur la même chose, enfin c'est la même chose quoi, non? Bah oui, mais c'est Game One, c'est-à-dire que je pense que ça serait bien aussi pour l'e-sport que ça passe sur des chaînes nationales, enfin des chaînes majeures, généralement. Ouais, alors, bah, là... généraliste, parce que Game One c'est vraiment pour un public précis, et on va dire que c'est pour une communauté de ouais de, mais ça passe à la télé de, oui ça passe à la télé, mais c'est pour une communauté de fans de manga, de fans de jeux vidéo. Je sais pas du tout de quoi tu parles. c'est une chaîne qui est déjà qui est pas accessible à tout le monde, et je pense que pour développer la chose et permettre à tout le monde de connaître l'e-sport, faudrait que ça passe sur les chaînes généralistes. Ouais. Et en plus ça permettrait peut-être aussi d'arrêter la vision assez mauvaise de l'e-sport quand ça passe à la télé. Alors juste pour même si elle s'améliore cette vision, mais non, oui, je suis d'accord, mais toi, pour moi, le jour où il y aura de l'e-sport à la télé et que cette vision ne sera plus là, comme tu dis, une vision néfaste pour l'e-sport, et ben ce sera quand nous on sera des vieux, mec, parce que c'est notre génération à nous qui faut pas déconner, hein, c'est pas nos parents qui serait intéressé à voir de l'e-sport à la télé. Nous, on n'a rien à secouer. Non, je suis d'accord, mais c'est juste pour améliorer la vision. Ça va pas changer en deux secondes. Ah, mais non, mais moi, tu vois, je pense que d'ici, ouais, 30 ans, pour 30 ans, ce sera possible, tu vois. Pour faire passer les choses plus rapidement, je pense que passer un petit peu, ça aiderait les choses. Ouais, alors moi, par exemple, tu vois, la nounours, je suis pas du tout d'accord avec toi, parce que tu dis 30 ans, pour moi, 30 ans, non, en fait, je pense que ça va être fait plus rapidement si c'est fait. Simplement parce que, bon, c'est vrai que nous, on est peut-être plus jeunes, mais la communauté, par exemple, StarCraft 2 ou CSGO, au niveau de l'e-sport, c'est les communautés les plus âgées. Bah oui. Et tu prends ces communautés-là, la plupart des joueurs, ils ont commencé, voilà quoi, ils avaient 14 ans, ils avaient 15 ans, 16 ans, et maintenant, ils ont 35 ans, tu vois. Donc, c'est maintenant le groupe, comment dire, la communauté gaming en France, c'est pas des jeunes, très jeunes, entre guillemets, encore au lycée ou au collège. Maintenant, c'est de plus en plus des personnes qui sont dans la vie active, qui ont des postes plus importants. Donc, je pense que ça va plus bouger maintenant, plutôt que de récupérer, entre guillemets, moi, ce que j'appelle la génération Call of Pyjama, tu vois, elle, je pense pas, n'aura peut-être pas la même vision au niveau de l'e-sport à la télé. Je suis d'accord avec toi, mais du coup, ça, tu vois, là, ça fera partie d'un autre débat que l'on aura. peut-être plus tard ou dans une prochaine émission. Et là, pour le moment, on va tout de suite s'écouter un peu de son avec Smokey Joe and the Kids, Just Walking, accompagné de Chill Bump. It's hard to cope with, my soft little heart is broken. I'm home alone like Macaulay Culkin. Wake up every morning groaning, smoking, waiting for the local bar to open. And I'm such a lazy mess, waiting for death to end this craziness. I put my pain to rest. Sometimes I reach out to a side of the bed, but all I find is plenty empty vodka bottles instead. What we have is truly that unique. The school teacher, the musician, the beauty and the beast. But I was always on the road, seeking dudes I had to meet. Getting hammered after shows and having groupies at my feet. It's crazy when all these ladies place you on the pedestal. Poke their little titties out and claim you are incredible. Stupidness boosted the confidence I had. And one day my baby caught me packing condoms in my bag. I just started drinking to calm the tension, and not to mention stop me thinking. My body's sinking, I get washed in a minute. I'll get evicted next month, but I don't want to admit it. And I'm such a lazy mess, waiting for death to end this craziness. I put my pain to rest. Sometimes I reach out to a side of the bed, but all I find is Heineken cans and bottles of red. I heard she was seeing a police officer. I'm sure he's soft, plus what more could he offer her? I started stalking her, I confronted a man. He punched and pushed me and I punched like the pussy drunk that I am. My honey was laughing, hollering, get up and then scram. Pity is all I feel, a dollar bill was dumped in my hand. She left me like a helpless freak with no self-esteem. Was doomed to dream about a powerless D. Rub one out and cry himself to sleep. In Games, on vient de s'écouter Smokey Joe and the Kids avec Chill Bump et leur son Just Walking. Alors moi à chaque fois hein, c'est l'extase quoi, je les adore ces mecs là hein. Je vous avais dit, je suis allé les voir en concert et franchement c'était juste hallucinant quoi. J'en pouvais plus, mais j'étais super content. Et en parlant de choses qui font super plaisir, c'est Benjamin qui a proposé ce petit sujet sur le projet Avengers créé par Zerator. Alors, pour être plus précis, en fait, c'est pas tout à fait créé par Zerator. Ah bon ? Avengers France, en fait, c'est un groupe de streamers qui s'est, en fait, porté volontaire pour, dans des cas d'urgence, mettre en place un stream donation, en fait, pour récupérer un maximum de donations pour une cause précise. En fait, Zerator, c'est celui qui a organisé l'événement qui a eu lieu, qui était la première vraie alerte Avengers, en fait, en France. Mais à la base, c'est quelque chose qui a été créé par Athènes. C'est un streamer, alors si je dis pas de bêtises, parce que j'ai eu un peu tous les retours, belge, qui parle anglais, et qui a créé en fait le site Gaming for Good. Le but est très très simple, tu stream du jeu vidéo, et tu récupères les donations pour un projet humanitaire, social, un projet d'entraide. Alors là, pour le coup, Avengers, donc c'était milieu février, milieu de février, et ils ont décidé de faire ce projet pour la famine et la sécheresse en Éthiopie, qui est la pire depuis un sacré paquet d'années. Donc c'était un stream en fait qui a duré 34 heures d'affilée, avec 16 streamers français, donc parmi les grands noms, forcément Zerator, Il y avait Hypierre, il y avait Domingo, quelques streamers aussi de Millennium avec Gob, avec Narcus. Voilà, c'est, j'oublie toujours son nom à lui. Il y avait des anciens de Eclipsia comme Jiraiya, comme Xari, le roi Bisou, Twix. Donc voilà, il y a vraiment une belle brochette de streamers, on va dire. Donc ils ont joué un peu à différents jeux. Il y avait pas mal de jeux de stratégie parce que ça permettait en fait de récupérer les donations et en même temps de parler un peu sans être trop concentré. Donc voilà. Et pour les chiffres, alors c'est là où ça devient très très intéressant. Alors, il y a eu 9597 donations. Il y a eu 3400. Bouya. Ouais, voilà, bouya. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il y a eu 3409 donateurs seulement. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des personnes, quasiment chaque personne a donné 3 fois plus. Enfin, 3 fois, quand même, plutôt. Et là, c'est là où on parle monnaie, grosse maille et tout. C'était pas pour les streamers. Mais c'est 170 000 euros en 34 heures. Il fait 5025 euros par heure pendant le stream. C'est pas mal. Un bon salaire. On est dans la continuité du Téléthon, mais pour les jeunes, quoi. Ouais, c'est ça. C'est un peu... Ouais, voilà, c'est un peu ça, ouais. Et c'est... Sauf que le show, c'est pas un show un peu... Excusez-moi, moi j'aime pas ça, mais un peu pourrave. Mais c'est un show, voilà. Quelque chose qui peut plaire aux jeunes, qui va vraiment toucher un grand public, parce qu'au final, il y avait... bien sûr du LOL qui a été streamé, il y a du WoW avec l'API, il y a des jeux stratégiques comme j'ai dit, enfin vraiment un peu tout, donc ça permettait vraiment de... Tu choisissais en fait ton streamer, tu regardais, oh c'est sympa, il finit, il change de jeu, tu vas regarder autre chose, donc c'est vraiment sympa. Et il faut savoir aussi que Athènes, donc celui qui a lancé en fait le projet, au bout de, je crois que c'est au bout de 4 heures de live ou 5 heures de live, a fait une vidéo YouTube pour remercier justement ce projet-là, le projet Avenger France. Parce qu'en fait, alors si je dis pas de bêtises, c'était en 5 heures de live, ils ont récolté plus de 70 000 euros, je crois. Donc ce qui était, mais ça, c'est du jamais vu en fait, dans les streams et dans les donations en stream, sur les jeux vidéo. Donc c'est vraiment une super action en fait, tout simplement. Et ça a été fait aussi, donc juste après la Lyon eSport. Donc en fait, l'alerte Avengers, ça avait été donné le samedi de la Lyon eSport. Et le samedi suivant, il commençait le stream. Donc c'est-à-dire qu'ils ont eu en temps pour se préparer 4 jours pour faire venir tous les streamers. Il y a la personne qui était le plus loin était à 2800 km, si je dis pas de conneries. C'est quand même beaucoup. Et ils ont fait tout ça, venir tous ces gens-là chez Zerator pour faire ce stream de 34 heures de live d'affilée. Et d'ailleurs, je respecte la performance de l'API qui est le seul à être resté de A à Z. Sur le stream. Donc voilà. Il a streamé 34 heures sans arrêt ? Ouais, il a streamé 34 heures sans aller se coucher. Et d'ailleurs, il y a la vidéo de remerciement tout simplement à la fin. Tu vois tout le monde qui est à peu près en forme. Bon, il y en a, tu sais, qui ont un peu moins dormi. Et t'as l'API dans le fond. Et il a pas ses lunettes de soleil. Tu vois des énormes cernes de chaque côté. Un visage blanc. Et tu le sens qu'il est au bout, quoi. Il a plus de voix. Tu ne l'entends même plus parler. Donc c'est vraiment impressionnant. Non mais là tu nous fais la description d'Adrien, mec, arrête. Hein. Ah non mais Adrien, lui, c'est après parce qu'il a pas dormi 4 heures en fait. C'est différent. Ah, c'est pour ça. Moi, si en tout cas les mecs, vous... sommeil et mon biberon, ça va plus. Du coup vous en pensez quoi vous des mecs, enfin de ce genre de projet les mecs? Moi je trouve ça vachement bien, hein, puisque récolter de l'argent pour une cause humanitaire, c'est toujours... De toute façon, bien sûr. On peut pas être contre. Il y a... La Awesome Game Dumb Quick et la Summer Game Dumb Quick qui font ça depuis très longtemps en récoltant de l'argent pour la Prevent Gunshare Foundation et eux maintenant sont devenus énormes et streament pendant non-stop pendant une semaine. Mais bon, eux, l'argent, même maintenant, ils font gagner des lots et ils sont tellement organisés que... Mais ah oui, ça m'étonne pas que leur modèle il soit copié et repris, et je trouve que c'est très bien qu'il soit copié, repris et qu'il soit recopié par plein de monde, et comme ça on fera 50 000 donations humanitaires. Mais oui, bien entendu, mais c'est pas les seuls. Hein. Oui, non, ça, d'ailleurs, il y avait quoi ? Il y a... Je vous en parlais il y a pas longtemps, il y a. Merde, Joueur du Grenier et Seb du Grenier, qui participent aussi chaque année au marathon Zelda ou à d'autres marathons comme ça. Des marathons, il y en a plein, et il faut qu'il y en ait de plus en plus. Bien entendu. pour information aussi, donc du coup Athen, celui qui a lancé en fait ce projet-là, bon il a eu, forcément il a une chaîne sur Twitch que vous pouvez aller voir, qui est aussi sur Gaming for Good, que je vous conseille d'aller voir. Alors je sais que moi je l'avais vu en fait juste cette semaine-là quand ils avaient annoncé le projet, comment dire, annoncé le projet Avengers, j'avais regardé vite fait la chaîne de Athen. Et bon, alors là il y a plusieurs streamers, il n'y en a pas qu'un seul, mais ils étaient à je crois 140 heures de live d'affilée, truc du genre. Et en fait tu voyais un mec derrière, dans le canapé derrière, en train de dormir, et les streamers bougeaient en fait pour continuer le live et engranger de l'argent. Et genre par exemple, en ce moment même ils sont à 50 000 je crois sur Gaming for Good ou quelque chose comme ça, pour la même chose, 50-54 000. Ah ouais, donc, d'accord, voilà. Petite performance quoi. Voilà, bon après le mec est, pèse dans le game, ouais. Ouais, ben, c'est sûr. Et ben, en tout cas, merci hein, de nous avoir fait partager ce projet Avengers avec la participation de Zerator. On en reparlera peut-être une prochaine fois dans une autre émission, sait-on jamais. Hein. Et on va tout de suite partir avec un son que Clément nous a proposé, et c'est Fakir avec Diva Primal. Alors on sait pas trop comment le dire, hein, donc on le prononce toujours à l'américaine, ça passe toujours mieux. Et c'est la lune rouge que l'on retrouve. Venez rencontrer l'équipe de Daily Games et Watch Games Media au Meldon de Paris pour les 2 ans de Watch Games. Le 23 avril, dès 18h, vous pourrez assister et participer à une émission en direct et tenter de gagner de nombreux cadeaux. Et oui, on est toujours sur cette émission un peu particulière qu'on vous propose maintenant une semaine sur deux. Hein. Une émission où on parle librement de sujets et d'autres. Hein. On s'est fait la loi sur l'e-sport, merci Clément. On s'est fait le projet Avengers, merci Ben. Et là maintenant, on va arriver sur pas un projet, pas une loi, rien, juste du bon vieux jeu conventionnel. et justement la prochaine sortie de Hearthstone. Ouais, alors je crois que j'en avais parlé il y a une ou deux émissions. On parlait du remaniement de Blizzard, qui consistait en fait à passer un nouveau mode qui va s'appeler le mode standard et qui va se débarrasser en fait de toutes les cartes qui sont vieilles de plus de 2 ans. Donc forcément ça va changer la méta, mais ça donnait, du coup ça laissait pas assez de cartes. Donc ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une nouvelle extension qui va sortir, extension qui a été annoncée, si je dis pas de bêtises, il y a environ 2 semaines, et qui va s'appeler The Whisper of the Old God. Donc pour ceux qui sont à chier en anglais, on va dire le chuchotement des dieux anciens. Donc à quoi va consister cette extension? De ce que j'en ai vu pour l'instant, c'est que ça va être surtout en fait des cartes qui existaient déjà, mais qui vont avoir été en quelque sorte corrompues. Ouais, ça va être un nerf quoi. Non. Tu gardes les. Bah, y a des cartes que. Les cartes qui sont déjà sorties ne bougent pas, elles changent pas. Mais en fait, les nouvelles cartes qui sortent, c'est des versions corrompues en fait de certaines cartes. On va voir par exemple le robot de soin, qui était une carte qui sortait pour 5 et qui soignait 8 points de vie. Et bah là, dans cette extension, il va y avoir le robot de soin corrompu, qui va être. Si je dis pas de bêtises, qui va être une 6-6 qui sort pour 5, et elle, quand elle meurt, elle soigne l'adversaire de 8 points de vie. Ah, mais c'est voilà. Tout pourri. Alors, on peut discuter vite fait de tout ça, mais non, c'est pas si pourri que ça, parce que si tu combines ça avec une prêtresse Okenai qui transforme les soins en dégâts, ça pique un peu. Ah ouais, d'accord. Maintenant, tu vas me laisser continuer, s'il te plaît. Oh là, hey, tu files un mauvais coton, là. Et bim, John Cena. Ouais. Bon, si tu amènes John Cena, je suis obligé de m'incliner. Donc voilà, d'ailleurs, toutes les cartes ont pas encore été annoncées. Il y a encore beaucoup de cartes à découvrir. Il y en a à peu près, je dirais, un peu plus d'une vingtaine qui ont été annoncées. Il est censé y en avoir 132, donc on est encore loin du compte. Là où on va, en fait, pas mal changer dans la méta, c'est qu'il va y avoir, justement, on parle du... des dieux anciens, d'ailleurs des cartes légendaires qui vont être des dieux anciens. Et la première qu'ils ont présentée, Setun, est une carte qui sort pour 10 et qui inflige en arrivant autant de dégâts qu'elle a d'attaque répartie entre tous les adversaires. Et le délire qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé, je crois, 16 autres cartes qui vont fonctionner avec Setun. Par exemple, on a une carte qui, quand elle va arriver en jeu, va donner +2/+2 à Setun, peu importe où il est dans le jeu. Donc s'il est dans ta main, ça, il prend +2/+2. S'il est dans le deck, il prend +2/+2 aussi. Ce qui fait qu'au moment où tu le poseras, il fera beaucoup plus de dégâts en arrivant. On m'a suivi. Oui, ça va. Dans le fond. C'est bon. Oh, ok. Donc voilà, apparemment, quand on voit les cartes qui sont sorties jusque-là, dans le style de Setun, on voit que Blizzard essaie d'orienter le jeu beaucoup plus dans le late game et donc du coup beaucoup plus dans le contrôle. Donc moi, de mon point de vue, c'est super parce que ça va limiter les decks que j'appelle les decks cancer, enfin, que tout le monde appelle les decks cancer, qui sont en gros taper dans la tronche de l'adversaire le plus rapidement possible pour qu'il ait le temps de développer aucune sorte de défense. Et donc du coup c'est juste... moi c'est juste la version de Hearthstone la plus débile parce qu'on pousse juste ses cartes au fur et à mesure qu'on les pioche, on tape en espérant que ça passe et puis on voit quoi. Donc voilà, la sortie est prévue pour avant la fin mai, c'est ça, ils ont annoncé pour avant le 31 mai. On n'a pas encore de date précise mais on verra, mais voilà, moi j'attends avec impatience cette extension pour changer un peu de méta et justement pour utiliser, passer de des decks cancer à quelque chose d'un peu plus construit, un peu plus intelligent. Et si vous avez des réactions, n'hésitez pas. Bah ouais, tu m'étonnes. Ouais, j'étais justement en train de me dire que ça va être super cool parce que ça fait vraiment longtemps qu'on n'a pas eu de jeu où tu rapportes, enfin t'as encore des aspects de plus en plus stratégiques qui arrivent au fur et à mesure. J'ai vraiment l'impression que ça manquait. Thunderstorm, je trouvais ça sympa, mais moi ça me gonflait vite fait parce que bah faut vraiment déjà le grinder, le pexer à mort pour arriver à avoir des bonnes cartes et commencer vraiment à stratéger. Mais c'est qu'à la fin, si t'avais les bonnes cartes, bah tu stratégies plus quoi. Alors que là, si en plus comme tu l'as dit, il va y avoir des cartes qui étaient déjà sorties mais qui vont ressortir sous forme corrompue. Enfin, ça va vraiment amener un gameplay encore différent quoi, une évolution du gameplay. Enfin, je pense. Oui, bah c'est le but clairement. Bah, c'est surtout qu'en plus combiné avec le lancement de leur nouveau mode standard, ça supprime beaucoup de cartes qui étaient pétées. Ouais. On pense notamment à notre cher Dr. Boom, appelé Dr. Balance par la plupart des joueurs, tellement il est pas balance du tout. Donc voilà, on va voir la disparition de ces cartes-là au profit d'autres cartes qui sont tout aussi fortes, mais qui forcent le joueur à avoir une réflexion. Voilà. D'accord. Et vous les mecs, Clem, Ben, je joue alors, plus à Hearthstone. Même réponse. D'accord. Mais non, bah, merci les mecs. Hein. On adore quand vous participez comme ça au débat, ça fait super plaisir. Après, pour revenir sur ce que t'as dit, Julien, je suis pas totalement d'accord avec toi, puisque moi, ce qui m'énerve dans Hearthstone, c'est qu'il faut jouer à mort pour avoir les bonnes cartes. Mais à partir du moment où t'as les bonnes cartes, t'as dit qu'il y avait plus de stratégie, et là, je suis pas d'accord. Quand même. Ça dépend contre qui t'es, quoi, mais la plupart du temps, quand t'as des cartes, quand tu composes bien ton deck de base, tu te dis qu'il y a des joueurs, les mecs, quoi qu'il arrive, avec les bonnes cartes, je vois pas comment tu peux perdre dans Hearthstone, quoi. Quand t'as les cartes les plus pétées, quoi qu'il arrive, tu vas quand même péter le mec en face. Hein. Faut savoir les poser dans le bon sens, quand même. Hein. Faut savoir bien les poser, faut savoir réagir à ce que fait l'adversaire. Mais attends, quand t'as pexé jusqu'à en arriver là, c'est sûr que tu sais jouer. C'est sûr que tes cartes, tu les as gagnées dans la douleur et tout, mais ce truc, ce que je veux dire, c'est pas que je trouve le concept con, c'est juste que t'avais un palier, tu vois, que tu pouvais pas traverser. Parce qu'en fait, il t'avait amené à un point où t'étais tellement buffé, tellement balèze, je trouvais que le fun à ce moment-là dans Hearthstone, il y en avait plus. Alors, je suis pas d'accord non plus dans le fait que ça retire tout le fun. Loin de là, parce que j'y joue toujours, mais c'est vrai que non, je trouve que là la méta elle est vachement contre sur le rush et très peu sur la stratégie. On avait parlé, je crois, dans une émission précédente du fameux paladin secret. Oui. Je suis mis à le jouer un peu, et la stratégie c'est de tenir jusqu'au tour 6. Au tour 6, je pose une créature très précise qui fout le bordel total. Si jamais le mec arrive à la gérer, j'ai Dr. Boom pour le tour 7. Et si jamais le mec est toujours en vie, j'ai une autre légendaire, Tyrion pour ceux qui connaissent, pour le tour 8. Et en fait, là, la stratégie elle repose juste sur le fait que j'ai la chatte de piocher ces trois cartes-là dans le bon sens, quoi. Il faut juste qu'au tour 6, j'ai donc la carte que je disais qui fout le bordel, le chevalier mystérieux. Faut qu'elle s'oppose au tour 6, ensuite pour le tour 7, le Dr. Boom qui sort pour 7, et ensuite au tour 8, la créature qui sort pour 8, Tyrion. Et là, à ce niveau-là, il n'y a aucune stratégie, et j'ai vu beaucoup de vidéos, notamment de chez Millennium, de Torque et Marmotte. Tu les vois en train de jouer, ils jouent contre un palace secret, le mec fait la sortie Chevalier Mystérieux, Dr. Boom, Tyrion. Il s'embête pas, hein, il capitule, on gagne du temps. Ah ouais, quand même. Forcément, voilà, ça calme, quoi. Ah bah oui, tu m'étonnes. Ouais, il y a un problème de balance, alors, c'est juste sur la... Alors, bien sûr, c'est un jeu de cartes, donc forcément, faut qu'il y ait un peu de chance, quoi. Je veux dire, quand toute la game se joue sur le fait de savoir si je vais piocher les mystérieux pour le tour 6 ou pas... À la fin, c'est juste, t'attends, quoi, parce que tu sais que le mec, en face, il a très certainement les mêmes cartes que toi, Ah oui, bah quand c'est le baston de paladin secret, c'est le premier qui chope le mystérieux à gagner. Ouais, bah ouais. Enfin bon, voilà, hein, vous l'aurez compris, la prochaine sortie de l'extension Hearthstone va être vraiment sympa. Ça va rebalancer, remettre encore plus de stratégies au premier plan. Et on a vachement hâte que tu nous refasses un petit débrief là-dessus une prochaine fois. Ouais, non, bah après, c'est sûr que là, j'annonce ça avec beaucoup d'enthousiasme. Je dis pas que ça va être le Graal, mais au moins, on va avoir du changement. Oui, bah oui, bien sûr, et puis tu reviendras nous en parler dans une prochaine émission alternative comme ça de là. Et donc voilà, on va encore faire une petite pause musicale, parce que là c'est un groupe que j'aime bien, que j'ai écouté il y a pas longtemps, et en même temps ce son est sorti le 24 février 2016, donc il n'y a pas si longtemps que ça, il faut l'avouer. C'est l'Entourloupe avec Troy Berkeley et Koe Wa, Lobster Scrabble.

Et la saison 6 va sortir le 23 avril. Et je pense que le 23 avril, je serai devant mon PC à attendre la sortie du premier épisode de la saison 6. Mais tu veux dire pour le télécharger? Pas du tout. Légalement, bien sûr. Légalement. Mais non, mais en plus, je serai dans un pays étranger à ce moment-là, donc faudra absolument que on le regarde en version légale. Donc, Game of Thrones, est-ce que j'ai besoin de présenter Game of Thrones? Qui ne connaît pas Game of Thrones aujourd'hui? Écoute, fais comme si moi je ne connaissais pas Game of Thrones. Écoute-moi, espèce d'inculte. Je vais te présenter Game of Thrones, toi, petit inculte. Alors que tout le monde connaît cette série. Donc, Game of Thrones, c'est une série de d'héroïque fantasy dans un univers médiéval. En gros, c'est une lutte de pouvoir pour devenir le roi. Et comme souvent, la lutte de pouvoir, ça peut tuer, et là, ça tue beaucoup de gens. Ça peut arriver que ce soit des personnages principaux à qui on s'attache beaucoup, se font étriper. Et donc, on a plusieurs familles qui luttent pour gagner le pouvoir et gagner le trône de fer. Et donc, voilà, maintenant, Adrien, Benjamin et moi-même allons noter la performance pour le pitch de Clément en ce qui concerne Game of Thrones. Alors, pour vous, moi, je mettrais un 5. Sur 10. 0. J'ai été Clément. Il y avait plus simple. Adrien. Parle de cul, de violence. De cul, de violence. Et voilà. Ok. Adrien, ta note. Sinon, il y avait aussi des dragons, des zombies, deux continents, une dizaine de familles avec des trahisons. Leur père et leur descendance. Bref, moi je vais mettre 10 juste parce qu'en fait Game of Thrones c'est tellement bien et c'est tellement, comment dirais-je, la genèse en fait de l'histoire est tellement étendue que pour décrire ça en, et dense, que décrire ça en moins de 3 quarts d'heure sans faire de conneries, ça serait très compliqué. Donc voilà, c'était ça la bonne réponse. Passons maintenant à ta deuxième série. Donc la deuxième série, ce serait The Expanse. Donc c'est The Expanse. C'est une série qui a commencé en novembre dernier, là, qui vient juste de débuter, qui est basée sur les livres du même nom. Donc c'est une série de science-fiction, de type space opera. Alors le pitch de cette série, c'est qu'on est dans le futur. Dans le futur, on est à peu près dans 200 ans. Et le système solaire a été colonisé. Et donc on est dans un univers où il y a une guerre froide entre Mars et la Terre. Et l'idée c'est comment les protagonistes peuvent agir sur cette guerre froide et peuvent empêcher une guerre ouverte. Et la menace qui pèse le plus dans l'univers. Puisqu'une guerre entre la Terre et Mars pourrait détruire à peu près toutes les autres planètes du système solaire, et je pense que personne n'a envie de ça dans la série. Eh bah ouais, tu m'étonnes, hein. Ouah, la vache. Et toi, tu sais bien choisir tes séries entre Game of Thrones, où t'as tout le monde qui couche avec tout le monde, puis après tout le monde qui meurt avec tout le monde. Puis là, maintenant, tu nous fais ça, où c'est la guerre froide, mais dans l'espace, contre Mars. Exactement. C'est... Ouh. Allez, salut. Ouais. Ah ouais, merci Clément, hein. On te notera pas celle-là. Non, mais en tout cas, c'est vrai que The Expanse a l'air d'être une bonne série, et je vous la conseille, hein. Moi aussi, je pense que je vais aller la regarder après. Mais maintenant, on va passer à l'avis de Benjamin. Oula, c'est à moi de trouver deux séries, là, comme ça, là, Out of the Blue. Non, parce que t'étais au courant, donc tu les sors tout de suite. Ah, merde, bon. Alors, la première, pour moi, ça va être Doctor Who. Il devrait pas tarder à recommencer, même si j'ai pas la date exacte sous la main. Après une dernière saison qui est juste folle. Enfin, la fin de la saison, je ne vais pas spoiler parce que je ne veux pas, mais une fin de la dernière saison qui laisse des frissons sur tout le corps. Et voilà. Et pour ceux qui connaissent pas Doctor Who, parce que là franchement si vous connaissez pas, vous êtes vraiment une belle bande d'incultes et je vais arrêter de vous parler tout de suite. Et ben c'est un extraterrestre qui vit depuis très longtemps. Il se promène en fait dans l'espace et dans le temps. Il vient très souvent sur Terre, il est souvent avec une terrienne. C'était pas pour la sauter ou quoi que ce soit, c'est juste parce qu'il aime bien ne pas être seul. Il a peur de la solitude. Et donc voilà, donc il se balade de planète en planète, dans le temps, beaucoup d'aventures. Et moi ce que j'adore à propos de cette série, Et je pense que c'est la seule série ou même le seul film où dans un épisode tu te retrouves dans un vaisseau spatial moitié abandonné où dedans tu mets des dinosaures, la reine Cléopâtre, un chasseur d'éléphants du 19e siècle et tu mets justement le docteur, le docteur qui, le docteur où, voilà. Et ça c'est un Camoulox. Ouais grave, c'est ce que j'allais dire. Tu l'as devancé, enfoiré. Je peux comprendre, c'est vrai que c'est un peu Camoulox comme ça, mais c'est vraiment bien foutu. En plus c'est une série où il y a tout quoi, c'est humour. Ah bah tu l'as dit hein, dinosaure, Cléopâtre. Ouais, t'as vraiment tout dedans quoi. Ouais mais des fois c'est beaucoup plus humain en fait, c'est genre des fois bah c'est simplement une famille humaine et c'est triste, c'est très joyeux, bref. Voilà, payer un peu de tout. Et la deuxième série qui n'a absolument rien à voir, c'est White Collar en anglais. Alors en français, je n'ose même pas le dire le nom parce que ils l'ont traduit comme, comme des pignoufs. Enfin, on va rester gentil. Je reste gentil, hein, parce que je pourrais dire autre chose. Donc White Collar, en fait, c'est l'histoire d'un... Non, mais tu nous dis ça, mais tu nous dis même pas comment ils l'ont appelé. Ah, attends, non, je veux pas. Non, mais non, t'es obligé, là. Allez. Ah, mais... C'est FBI, flic et escroc. Voilà. Ah ouais. T'as fait beaucoup m'arriver d'un seul coup. Hein. Clairement. Voilà. C'est cordier, juge et flic. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Et donc du coup, ouais, c'est l'histoire d'une... d'un faussaire, voleur, en gros spécialisé un peu dans les vols très compliqués, très alambiqués, qui est très très bon, qui n'utilise pas de violence. Voilà, donc ça c'est le personnage principal qui en fait se fait choper au bout d'un moment et il décide de s'allier au FBI pour les aider à résoudre des cas. Et voilà, c'est l'histoire entre l'association d'un escroc avec le FBI. Ça rejoint un peu, pour ceux qui connaissent, le film Attrape-moi si tu peux avec Leonardo DiCaprio sur la fin. Je sais pas si vous voyez. D'accord. Le... Ouais, ouais, dans ce film. Mais bah voilà, c'est un peu ça en fait, sauf que c'est sur 6 saisons. 6. Voilà. Ouais, ouais. Et c'est vraiment bien foutu, moi j'ai bien aimé. Tout sympa. C'est beaucoup moins violent, beaucoup moins triste. Ça se regarde facilement. Ouais. Un truc de braquage assez sympa quoi. Voilà en gros. Ouais. D'accord, ok. Bah écoute, merci beaucoup. Je t'en prie. Pour ces deux séries, hein, on rappelle, c'est Doctor Who et White Collar. Doctor Who. Oh mon dieu, il a dit Doctor Who. Doctor Who. Voilà. Doctor Who. Ok, bon, maintenant que je l'ai, hein, Dr. Who et White Collar, et maintenant on passe aux préférences de Adri en termes de... Bah, je pense qu'on a Game of Thrones, hein, on l'a compris tout à l'heure. Ouais, bah, moi en fait le problème c'est que je suis vraiment pas un gros consommateur de séries, donc du coup en référence je vais me citer... moi aussi j'ai quand même regardé Breaking Bad, hein, parce que ça, c'est... si vous l'avez pas vu, faut regarder, ça... je vais rester poli, ça... c'est juste trop bien. Donc ouais, Game of Thrones, clairement, surtout que ça va sortir donc bientôt dans un mois et on a eu un teaser qui était juste beaucoup trop bien et que j'ai regardé aussi pas mal, que j'ai pas suivi la dernière mois, il faudrait que je m'y remette, c'est Walking Dead. La deuxième partie je crois de la saison 7. Oh, je suis en train de dire, je suis en train de dire des grosses conneries. La deuxième partie de la saison en cours vient de redémarrer et j'ai juste vu le premier épisode et les zombies avaient bien mangé. Donc voilà, à suivre. C'est comme j'ai dit, je suis pas un gros consommateur de séries, mais voilà, c'est deux séries que je trouve sont intéressantes à suivre et que je vais continuer à suivre. Voilà, d'accord, si donc en gros tu regardes Game of Thrones où c'est trahison, boobs et dragons, et Walking Dead où là apparemment c'est un top chef version zombie en mode buffet à volonté pour les zombies quoi. Ouais bah moi j'aime bien quand ça saigne. D'accord, ok, bah écoute, c'est tant mieux pour toi hein. Et en parlant de saigner, hein, parce que moi aussi j'ai regardé des séries dernièrement et je suis tombé sur une série qui m'a troué le cul et que d'ailleurs j'ai fini de regarder il n'y a pas si longtemps que ça là. C'est Daredevil, la saison 2 qui est sortie et qui, c'est juste une grosse claque. Parce que c'est vrai que là on se dit oui, dernièrement il y a eu beaucoup de séries super-héros, des bien ou moins bien. Hein, On pense notamment aux séries DC qui se font pas mal cracher dessus, Arrow et Flash, qui quand même, hein, mine de rien, ont une bonne notoriété, mais on sait pas pourquoi, tout le monde crache sur cette série, mais tout le monde continue de la regarder. T'es, c'est ce genre de série où tu te sens un peu mal à l'aise à force de la regarder, parce que tu te dis, à chaque fin de saison, t'es là genre, ça y est, le méchant est mort, ou le méchant est emprisonné, on va enfin pouvoir avoir quelques épisodes où ça va tranquille, et puis à toute fin de l'épisode, là, c'était le concept de Sons of Anarchy, quoi. À chaque bon truc, t'as forcément une grosse couille qui arrive après, quoi. Donc du coup, c'était un peu compliqué, hein, de se sentir attaché à cette série, mais là, avec Daredevil, une série super sombre, très violente quand même. Ouais, y a vraiment des passages où je pouvais pas regarder le PC. Parce que quand t'as quelqu'un qui est en train de t'éclater le crâne à coups de poing et que la série te montre ça, voilà. T'es pas derrière en mode tiens, je vais me faire un petit burger là. Enfin bon, voilà, je conseille Daredevil saison 2. Et une autre série qui m'a pas mal éboustillé, on va dire quand même. Ce serait la série Utopia, qui est juste hallucinante. Et moi, enfin, la raison principale pour laquelle je la recommande, c'est vraiment la BO, qui est une BO de fou furieux. Enfin, vraiment, c'est la BO, elle est magique. Elle fait très certainement une bonne partie de la popularité de la série. Donc voilà, pour moi c'est tout. Voilà, vu que personne. En fait, c'est super impressionnant parce que entre vous, vous participez dans les chroniques des autres et tout. Mais à chaque fois que moi je parle, j'ai l'impression de parler dans termes chinois ou alors que vous êtes à l'école. Tu es en mode, faut pas la déranger sinon elle va encore gueuler. Quoi. Bah, ah ouais, c'est un peu ça, ouais. Je sais pas de quoi tu parles. Mais... c'est vrai que c'est compliqué. Bon, en parce tout que cas, tu c'était. Parles toujours de trucs obscurs qu'on ne connaît pas. Oh là là, tout de suite. C'est juste que vous êtes un culte, t'es mec. T'es trop dark. Oh non, je suis trop dark, mec. Et en parlant de dark, il est temps pour nous d'éteindre les micros, mais seulement pour quelques minutes. On reviendra après avoir écouté le remix de la BO du manga, enfin de l'anime et manga, One Punch Man, par Pandrez. rencontrer l'équipe de Daily Games et Watch Games Media au Meldon de Paris pour les 2 ans de Watch Games. Le 23 avril, dès 18h, vous pourrez assister et participer à une émission en direct et tenter de gagner de nombreux cadeaux. Encore une fois, sur Brother in Games, on vous fait tout écouter. Hein. On vient d'ailleurs de s'écouter un YouTuber qui est vraiment très sympa, qui s'appelle Pandrez, que je vous conseille d'aller voir, hein, que je vous recommande fortement. Et donc maintenant, il est temps de passer à notre dernier débat, notre dernier sujet libre de l'émission. Ce sera les sorties jeux qui vont bientôt arriver. Donc je vais vous dire, hein, on va parler de No Man's Sky, qui est un jeu qui a attiré l'œil de Benjamin. On va parler de Star Citizen, qui fait quand même beaucoup de bruit et dont beaucoup de youtubeurs ont parlé dernièrement aussi. Et on finira par Overwatch, car nous avons une personne ici présente qui a la possibilité de jouer à la bêta. Donc on va tout de suite commencer avec No Man's Sky. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, toi, Benjamin, qui avait l'air très très intéressé par le jeu? Alors oui, parce qu'en fait, No Man's Sky, c'est un titre que j'avais entendu parler il y a assez longtemps et qui m'est un peu revenu en tête récemment. Alors, comment le décrire? Ça va être assez compliqué. Imaginez-vous un FPS, déjà, parce que c'est en first person, ça c'est la première chose. Un FPS où vous baladez de planète en planète, et chaque planète est générée aléatoirement. Ok, c'est bon? Ça va, pour le moment, ça va. C'est bon ? Ok. Et en fait, après, sur chaque planète, vous avez énormément d'exploration à faire. Vous devez, en fait, votre but, qui a été annoncé là assez récemment, en fait, parce que jusqu'à maintenant, on pensait que c'était juste un bac à sable, où fallait juste se balader de planète en planète, découvrir des monstres, se balader en vaisseau, des choses comme ça. Là, maintenant, en fait, c'est un but. Le but, c'est de trouver le centre de l'univers. Et donc, pour cela, il faut... tout simplement explorer les planètes, explorer l'espace. Donc à la base, c'est vous êtes en vaisseau, donc il peut avoir des batailles de vaisseaux spatiales, il peut avoir des courses de vaisseaux spatiales. Ensuite sur les planètes, vous pouvez faire de l'exploration aquatique sur Terre ou simplement avec votre vaisseau en volant en basse altitude. Donc il y a énormément de choses. Alors, le graphisme du jeu me rappelle légèrement, mais alors très légèrement, Destiny, en fait. Le jeu qui était sorti, qui était un peu dans le même style, c'est-à-dire un peu en monde ouvert, FPS, RPG, et dans le futur. Donc là, c'est le cas. Donc là, grosse annonce sur la dernière grosse annonce qu'ils ont fait, c'est les studios Halo. Ils ont dit que, donc, il y avait des personnages non joueurs, des PNJ, cherchez le mot. Chose que qu'on ne savait pas avant, il y a un système de survie aussi, parce qu'il y a des biomes, donc un peu des biomes à la Minecraft par exemple, où quand il fait froid, eh ben, vous devez aller vous mettre près d'un feu, près d'une source de chaleur, vous pouvez pas rester trop longtemps sous l'eau, des choses comme ça. Donc là, il m'a l'air d'être un jeu qui va avoir énormément à découvrir. Sur PC, des personnes qui ont testé la version PC, il a l'air vraiment génial. Par contre, ils ont fait aussi une version PS4 et qui, elle, a subi énormément de critiques parce que, en fait, tout simplement, la PS4 n'est pas assez puissante pour le jeu. Ou alors, le jeu n'est pas assez bien structuré pour s'adapter à la PS4. En tout cas, il y a beaucoup plus de bugs que sur la version PC. Et alors ça, c'est un jeu, je sais pas si c'est la version bêta, mais ils n'ont pas parlé de version bêta, donc je ne pense pas. C'est un jeu qui devrait sortir en juin 2016, et pour être plus précis, c'est le 21 juin 2016. Donc ça, c'est la date. Voilà. Et bon, en tout cas, on peut voir que ce jeu ne t'a pas laissé indifférent, parce que encore tout à l'heure, tu nous en as parlé vite fait, on s'est dit « ouais, ça va être cool », mais on pensait pas que t'allais nous faire... un exposé PowerPoint pour nous le vendre, hein, le projet directement. Ah mais tu sais, moi je suis très fort pour ça, moi c'est la base de mon commerce, c'est la vente. Hein. Ouais, mais là c'était surtout très chiant en fait. Ok, d'accord. Non, je déconne. Pour revenir vite fait sur ce que t'as dit, le passage avec la PS4, justement même sur PC il serait pas extrêmement gourmand ce jeu. Il y a moyen, mais justement ce que je vois moi du test, c'est que c'est pas forcément un PC vraiment une bête de compète sur lequel ils l'ont justement testé. Enfin, après, c'est pas une bête de compète, mais c'est quand même un truc assez gros, quoi. C'est d'accord, plus, ouais, parce que un jeu comme ça, j'imagine que si le PC il suit pas un petit peu, ça peut vite faire rendre l'expérience complètement pourrie. Bah, complètement décalé, hein, c'est clair. Non, mais regardez les trailers et vous verrez que la fluidité du jeu, quand même, c'est ce qui va faire sa force. Hein. En regardant les trailers, en tout cas, on voit que ça a l'air d'envoyer du lourd. Mais ce serait pas la première fois non plus qu'on essaye de nous arnaquer avec un super beau trailer, quoi. Ah, enfin bon, ce sera tout pour No Man's Sky. On en reparlera certainement quand le jeu sera sorti et qu'on aura pu le tester, hein, je pense. Quand je l'aurai testé, on en reparlera. Exactement. Et maintenant, on va passer à Star Citizen. Star Citizen, qui est un jeu très attendu par la communauté des joueurs, des gamers, et même des personnes qui ont joué à des jeux comme EVE Online. Hein. C'est un peu le même principe, mais qui va être beaucoup plus fun. Parce que là, au lieu de contrôler seulement votre vaisseau, vous serez en multijoueur et vous contrôlerez un vaisseau à plusieurs. Alors voilà, si on voit un peu le... Si vous n'avez pas trop d'idées, imaginez que vous rentrez dans le vaisseau, vous êtes à peu près 4, voilà, ça. Il y a une personne qui va conduire, une personne qui va s'occuper de tout gérer dans le vaisseau, c'est-à-dire les boucliers, quelle partie du vaisseau a été touchée, par où les ennemis arrivent. C'est cette personne-là qui va vraiment pouvoir... qui va être le centre de l'équipage. Et puis après, bien entendu, il y a des tourelles, parce que Star Citizen, ça va aussi être, comment dire, un gros jeu dans l'espace, mais avec vaisseau. Et c'est hallucinant, parce que c'est... Comment dire, on aura la possibilité de jouer à 4 dans le même vaisseau, et chacun aura vraiment son... comment dire... sa position stratégique, son placement à avoir. Enfin, pour moi, je trouve que ça va vraiment être un jeu très très intéressant. Et d'ailleurs, de la bêta qui est... Non, c'est l'alpha, là, d'ailleurs. L'alpha qui est encore en cours. Et pour le moment, il y a déjà des quêtes qui sont faites, qui sont disponibles. Et le rendu, ou même, comment dire, ce qui en ressort, le jeu, la plupart du temps, et que les youtubeurs disent à tour de bras, on va dire, c'est que ce jeu est très attendu et que pour le moment, il est en très bonne voie de développement. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, les mecs. Moi, ça m'étonne pas du tout qu'il soit très attendu, vu que c'est quand même, on peut le préciser, le jeu qui a... Même le projet participatif qui a établi le record du monde de financement. De crowdfunding, ouais. De crowdfunding, ouais, mais c'est... Il a eu plus de 100 millions de dollars, ce qui est le record du monde. Et c'est pas mal. En même temps, un jeu à 100 millions de dollars, hein, ça fait à peu près le budget de développement de tous les AAA, donc j'espère qu'on... Ils ont le budget, donc maintenant ils ont plus qu'à avoir l'idée, les idées et les compétences pour le faire. Ils ont l'argent pour le faire. Donc maintenant, oui, c'est sûr. Je pense que c'est normal qu'ils soient attendus. Ouais, juste pour dire, un peu comme No Man's Sky, moi ces jeux-là ils me font quand même un peu peur parce qu'ils sont quand même ultra ambitieux. On est sur des trucs là qu'on n'a jamais vu jusque-là. Bah, c'est pour ça que c'est intéressant à suivre. On ne dit pas que ça va forcément être une réussite, mais juste que... qui propose pour le moment, ça donne envie d'attendre. Dommage. Voilà, bah, pour eux, pour nous, en soi, on passera juste à côté d'un super jeu. Pour Star Citizen, c'est ils ont un budget de développement énorme, donc ils peuvent aller au niveau de leurs ambitions. Pour No Man's Sky, je sais pas. Oui, c'est différent. On va noter aussi les limitations des machines, c'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure, c'est que si t'as le budget pour faire le jeu du turfu là, que ça va être complètement n'importe quoi, mais que personne peut l'acheter parce que personne n'a la bête de compète intersidérale pour jouer avec, bon bah dommage. Bah oui, mais après ça je pense, enfin il serait pas assez con pour faire ça, parce que sinon c'est comme si tu mettais je viens de créer le meilleur jeu du monde entier, mais voilà, enfin personne pourrait y jouer parce qu'il vous faudrait à peu près, je sais pas, aller 1000-2000 balles à mettre dans un nouveau PC aux capacités hallucinantes. Non, bien sûr que non, que ça va pas être comme ça. Ouais, donc moi ce que je voulais dire, c'est que c'est déjà arrivé, hein. Tu regardes Crysis à l'époque, ils ont sorti le premier trailer, le truc était magnifique, enfin franchement le jeu est super beau en ultra. Mais y a personne qui le fait tourner en ultra. Même aujourd'hui avec une bonne bête, un truc correct, et qui t'a pas coûté 3 bras et 2 reins, tu peux pas te faire tourner Crysis en ultra. Et ça, je pense que ça, par contre, par exemple, pour No Man's Sky, c'est peut-être une possibilité qu'ils mettent la plus haute marche soit vraiment inaccessible pour... Enfin, pour la majorité des gens, en tout cas. Mmh. Mais on s'égare du débat, les mecs, on est arrivé à Star Citizen, quand même. Oui. On revient pas sur les anciens... C'est exactement le même sujet. Non, c'est vrai, non, je suis d'accord. Mais enfin bon, voilà, sur Star Citizen, t'es No Man's Sky, c'est deux jeux qui se ressemblent, mine de rien, parce que ça se passe dans l'espace. Il y aura beaucoup de... comment dire... de déplacements à faire avec des vaisseaux et autres, et d'ailleurs Star Citizen qui est principalement basé là-dessus, même s'il y a quand même une partie FPS qui a l'air très très sympa aussi, si je dis pas de conneries, hein, selon mes souvenirs. Star Citizen. C'est pas du c'est du TPS, ouais, FPS, je crois, ah, je sais plus. Ouais, c'est, mais sauf que t'es à la troisième ouais. Personne, t'es à la troisième vue, t'es juste derrière le... Ouais, juste derrière le gun, donc c'est du FPS, quoi. Et c'est vrai qu'il y a l'air d'avoir une partie un peu importante là-dessus. Je pense qu'à mon avis, ça doit être un système de prise d'objectif qui permet de prendre des vaisseaux ou des choses comme ça, tu vois. Je pense qu'en fait, ils essayent vraiment de nous offrir le premier MMORPG dans l'espace, tu vois. Mais vraiment avec toutes les possibilités que ça inclut. Ah ouais. Ce serait possible, parce que s'ils mettent des passages comme ça, ça fait vraiment penser à des donjons ou des instances, tu vois. Et en plus, de base, le fait que tu doives tout le temps te déplacer en équipe... Bah, par exemple, pour conduire ton vaisseau, ouais, tu peux être tout seul, mais si tu te fais attaquer pendant que tu le conduis, bah, t'es dans la merde, hein, parce que va mettre le pilote automatique, gérer le bouclier et tirer à la tourelle en même temps. Non, je ne pense pas, monsieur. Mais enfin ouais. Bon, tu vois, c'est moi, j'attends beaucoup de ce jeu, en tout cas. J'ai très très hâte d'en savoir plus. Et on va passer maintenant au dernier sujet. Et comme je vous l'ai dit, nous avons une personne qui est là, très apte à même à pouvoir en parler, c'est Adrien, et on va parler de Overwatch. Ouais, donc on a déjà beaucoup entendu parler, je pense, avec le petit battage médiatique qu'a fait Blizzard avec ce jeu. On a même déjà eu des tournois qui ont eu lieu d'Overwatch alors que le jeu n'est qu'en bêta fermé. Donc voilà, le bébé devrait sortir 24 mai. Alors, il est déjà disponible en préachat pour 60€. Et le préachat va permettre de pouvoir avoir accès à la bêta publique, qui sera disponible, je crois, à partir du 4 mai. Donc, j'ai pu tester un petit peu la bêta fermée. C'est un FPS qui est, somme toute, relativement sympa. Il y a... 21 héros dispo, qui ont chacun un peu leurs caractéristiques, classés dans différentes sortes. Donc il y a des tanks, il y a des supports, il y a des persos qui sont un peu plus faits pour l'attaque, qui vont être très mobiles et qui vont faire, mais qui vont aussi avoir très peu de PV, ou alors des persos beaucoup plus défensifs. Hein. Non, jusque là, pour l'instant, il n'y a pas grand chose à redire dessus, je le trouve plutôt cool. J'ai joué avec des potes, ça passe quand même beaucoup mieux que tout seul, mais bon, ça se fait aussi bien en solo. Après, voir un peu ce qu'ils vont faire, je trouve que pour l'instant, il y a encore trop peu de cartes de sortie, et il y a des persos qui sont absolument pas balance par rapport à d'autres, mais bon, bah, ça c'est le problème d'un peu tous les MOBA. Hein. Donc, on va voir où est-ce qu'ils vont arriver avec ça, mais non, franchement, ceux qui aiment le FPS compétitif, c'est bien sympa. Et puis en plus, bah, l'aspect MOBA avec les caractéristiques, les sorts en fait des différents persos et leurs ultimates, ça rend les choses tout de suite beaucoup plus marrantes. Et c'est fluide, il y a quand même parce que quand même le fait qu'il y ait des ultimates et c'est des espèces de furies, ça fait un peu penser maintenant à comment dire, je pensais moi à Street Fighter quand tu parlais de ça, tu vois. Le fait qu'il y ait des évolutions comme ça, un peu, parce que bon, c'est pas du tout la même chose, hein, c'est pas un jeu de baston, mais je veux dire, dans la fluidité, même un peu le graphisme, même, je trouve. J'arrive pas à voir ta comparaison en fait avec Street Fighter. Ah non, mais c'est comment dire, les évolutions de gameplay, tu vois, là, tu évolues à la. En fonction des modes de jeu qu'ils vont rajouter et des maps qu'ils vont rajouter. Pour l'instant, il y a deux modes de jeu, un qui est prise de point de contrôle et l'autre qui est en fait plus protection du convoi, où en fait une équipe va devoir défendre, faire avancer un véhicule en étant proche de lui jusqu'à sa destination. Et l'autre équipe va bien sûr devoir éliminer tous ceux qui s'approchent du véhicule pour l'empêcher d'avancer. D'accord. Mais je te dis, bien sympa. Ce qui m'a gêné jusque-là, pour l'instant, c'est vraiment l'équilibrage, en fait, de certains persos. parce qu'il y a des persos qui sont quand même vachement plus forts que les autres. Et oui, voilà, qui sont carrément pétés. Et aussi, je repense à ça, le fait de défendre, pour l'instant, dans la plupart des cas, oui, le fait de défendre est beaucoup plus facile que le fait d'attaquer. Ouais, ça après, ça vient avec l'expérience des joueurs aussi. Ça va bouger. Ouais, mais bon, pour avoir essayé quand même, il y a 2-3 coups où j'étais dans l'équipe attaquante et on a à peine réussi à progresser, quoi, de toute la partie. Ah ouais. Après, t'es mauvais aussi. Donc, je sais pas si ça joue dans le jeu, mais je pense. Je m'avance absolument pas sur ce terrain-là. Mes compétences en matière de FPS, je pense, sont plutôt limitées. Mais bon, on était quand même une équipe de 6 joueurs contre 6 autres blaireaux qui pouvaient être tout aussi nuls que moi. Et n'empêche qu'on n'a pas réussi à lancer. Eh bien écoute, peut-être que tu feras une vidéo que tu posteras sur notre page Facebook, un de ces quatre, pour peut-être permettre à... Je pense que... Ah, mais sur les méta, t'as pas le droit, hein. Je pourrais aussi. Ouais, tu vois, tu pourrais faire participer les auditeurs comme ça. En tout cas, n'oubliez pas, hein, pour les sorties qui nous ont intéressés, c'était No Man's Sky, Star Citizen et Overwatch, hein, dont on vient de parler. Il est maintenant l'heure de se quitter et on vous retrouve la semaine prochaine pour une émission de Brother in Games où il y aura cette fois-ci, on retrouvera la chronique de Clément dans ton bush, Adrien avec le GIGN et les infos de Ben aussi, ainsi que ma cave asiatique, hein, où on découvrira encore une autre œuvre importante de l'animation japonaise et des mangakas japonais par la même occasion. En tout cas, on vous dit à ciao, bonsoir et à la semaine prochaine. Big Brother in Games. Big Brother in Games.